Tonight, will you see my name in bright lights and celebrate our every win? Give up the ghost of others. Be my mirror, be my kin. 'Cause I'm one of those you're supposed to hold so tight. I'm one of those you're supposed to hold so goddamn tight. So will you be my tonight? Be my tonight. Throw caution to the wind. Open up and tell me everything. Pour out your inner secrets. Open up and let me in. Just don't obey. So will you be my whiskey bottle? Liquid gold burning inside. Pour out all of your secrets. Yes. Babe, you got nothing to hide. 'Cause I'm one of those you're supposed to hold so tight. I'm one of those you're supposed to hold so goddamn tight. So will you be my tonight? Be my tonight. Throw caution to the wind. Open up and tell me everything. Pour out your inner secrets. Open up and let me in. Just don't obey. Hello and welcome, bienvenue dans la croisière folk. Nous sommes à nouveau partis pour un voyage musical qui va enchanter vos oreilles et qui vous fera découvrir des artistes que vous ne connaissez peut-être pas. Si vous avez envie peut-être d'en savoir plus sur l'émission, eh bien nous avons une page Facebook où on poste pas mal de vidéos de certains artistes que l'on écoute. Donc n'hésitez pas à aller liker la page Facebook de La Croisière Folk. Et puis pour m'envoyer un petit mot, lacroisièrefolk en un mot, @yahoo.com. On a commencé avec Prita Greely et Whiskey Bottle. Elle est australienne, elle vit à Berlin depuis 2012. Et cette chanson, elle l'a écrite il y a un petit temps. Mais en fait, elle hésite à dire s'il s'agit d'une chanson d'amour, pleine d'espoir, ou simplement un hymne au whisky. Moi, tout ce que je sais, c'est que cette chanson, eh bien, elle est vachement bon. Mylène Vallée pour poursuivre avec Nature Profonde, Megan Lebel, Passer au travers, extrait de son EP qui vient de sortir qui s'appelle L'Arrivée. Alors si vous voulez en savoir plus sur Megan Lebel, eh bien sachez qu'il y a un article que j'ai écrit sur elle dans le magazine, sur le site j'imagine.org, et si vous allez sur notre page Facebook, eh bien il y a un lien vers l'article que vous pouvez lire tout à fait gratuitement. Et il y aura aussi Anna Elisabeth L'Aube avec Sunny Day, extrait de l'album Tree, un album de 2016. Bienvenue dans la croisière folk. Vous allez voyager, vous allez découvrir, et aujourd'hui, comme c'est le cas toutes les deux semaines, la programmation est 100% féminine. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à bord. Welcome aboard, ladies and gentlemen. Je veux pas taper ma traîne dans le sens du vin. Les cheveux en bâtard et le cœur confiant. Je veux jamais oublier d'où je viens quand ma nature m'appelle. Je n'y peux rien. Je m'étais perdu, perdu quelque part dans ma tête et mon cœur. J'avais perdu le nord. Je me suis retrouvé dans le silence. Ma nature profonde. Même si j'ai peur, choisis d'avoir confiance. La Croisière Folk, c'est votre billet pour explorer le meilleur des artistes folk féminins d'hier et d'aujourd'hui. Pour les femmes, t'es chouette, les filles du bord de mer. La femme est l'avenir de l'homme. Sunny days, sitting on top of the world. Sunny days, you're my baby, I'm your girl. I've been sitting down practicing the truth of love, wondering about what I've been dreaming of. Sunny days, sitting on top of the world. Starry nights, gazing to the top of the sky. Starry nights, I'm your lady, you're my guy. I got this big red flower pinned up in my hair. I've been looking for you everywhere. Sunny days, gazing to the top of the sky. So pull that magic peacock feather out your case. Stick it in your cap and look me in the face. Do you know me near as much as I know you? Tell me, pretty baby, what we're gonna do. Early morn, singing on a new pretty chord. Dans la croisière folk, Anna Elisabeth Loeb avec Sunny Days, et tout de suite, voici 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nobody does it better. 1, 2, 3, on vous rappelle un petit peu ce que c'est. Eh bien, c'est la partie de l'émission où, en trois morceaux, en trois chansons, on vous fait découvrir un album. Et aujourd'hui, c'est l'album qui vient de sortir de Marianne Beaulieu, qui s'appelle The Committee. Alors, c'est une artiste de Montréal, indie folk. Elle est chanteuse, multi-instrumentiste. Elle est aussi autrice-compositrice. Dès l'enfance, elle a été formée au piano et au chant. Elle découvre la guitare en autodidacte et utilise la musique comme exutoire. En 2019, elle publie ses premières reprises sur les réseaux sociaux, séduisant un large public international. Son premier EP, My First Covers, sort en 2021, suivi de chansons originales dès 2022. En mai 2024, elle lance Here, un EP de reprises douces et réconfortantes. Et puis depuis le 11 avril, on peut, dans les disquaires, acquérir son premier EP qui s'appelle The Committee. C'est un EP qui est original, qui est réalisé par Connor Seddle. L'album explore les questionnements liés à l'identité et au choix de vie. Elle séduit cet artiste par sa voix sincère, son univers apaisant et sa sensibilité visuelle. Elle est soutenue par des artistes comme Noah Kahan ou la Belge Angèle. Elle incarne une relève portée sur les réseaux sociaux. Là aussi, il y a un article que j'ai écrit sur elle, que vous pourrez trouver sur le site j'imagine.org. Et si vous allez sur notre page Facebook, La Croisière Folk, il y a un lien. Vous cliquez sur le lien, vous pourrez lire gratuitement tout l'article. Et on va écouter trois morceaux pour découvrir cet album. Oh dear, l'art de bien parler, ask you to choose. Bienvenue, Marianne Beaulieu, The Committee, un EP que vous allez sûrement adorer. 1, 2, 3, lancez la musique. Oh dear, if I'm being frank now, for 20 years I didn't get how. Four hands could fill an empty house. Don't you think that you get bored of my

c'est pas si compliqué de mettre son pied à terre. Papa, papa, tu salueras ton père. Papa, papa, papa. Car si je parle tout bas, je suis trop coincée. Alors j'ose la voix, je suis mal élevée. J'empile les phrases à éviter. Je roule plus fort en espérant que mes pleurs et mon corps restent élégants. Car c'est un art d'être écouté. Pardonnez-moi, messieurs, dames, j'ai l'habitude d'attendre. Je raconterai à mes murs sans rire. Ça risque de mieux passer qu'auprès des gens du comité. De l'art de bien parler, hey, du comité. De l'art de bien parler. One, two, three, one, two, three. A corner of my room where even the sunlight has never moved. My walls are chipping away with all of my dreams. Tell me one will remain. It goes rose et bleu covered in white. My fears were out of sight. What if I try and try again? What if I don't know where I end? Aren't you sick of playing pretend? You've got it all mapped out. And I can barely tie my shoes. And I can barely leave my room. And if you tell me just make a move, I'd probably ask you to choose. I saved the dresses half my size just to keep her hopes alive. She'd cure the world like mom and dad. What in the hell happened between then and now? And don't you dare suggest otherwise. No way, you've lost your mind. So what if I try and try again? What if I don't know where I end? Aren't you sick of playing pretend? You've got it all mapped out. And I can barely tie my shoes. And I can barely leave my room. And if you tell me just make a move, I'd probably ask you to choose. Ask you to choose. To be frank, I'm terrified that it's getting out of sight. The life she thought I'd have. At the risk of sounding young, it's the risk of the unknown. Try again. What if I don't know where I end? Aren't you sick of playing pretend? You've got it all mapped out, and I can barely tie my shoes, and I can barely leave my room. And if you tell me just make a move, I'd probably ask you to choose. Un, deux, trois. Et voilà, encore un album que nous avons découvert, celui de la Montréalaise Marianne Beaulieu, The Committee, avec trois morceaux, Oh Dear, L'Art de Bien Parler, Ask You to Choose. Et si vous allez sur j'imagine.org, vous aurez un article que j'ai écrit qui vous fera mieux connaître cet artiste. Allez, poésie, avec Joachim du Bellay qui a écrit Heureux qui comme Ulysse, et c'est un poème qui sera lu par Gérard Philippe. Alors, Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage. C'est le début du célèbre sonnet Les Regrets de Joachim du Bellay. Écrit en 1558, ce poème exprime la nostalgie du poète pour sa terre natale. Après un séjour en Italie qu'il a vécu comme une déception, dans ce texte, du Bellay évoque le mythe d'Ulysse rentrant à Ithaque après ses aventures pour exprimer son propre désir de retour en France, plus précisément en Anjou. Il oppose la richesse culturelle étrangère à la simplicité et à la douceur du petit Liré, son village natal. Le poème est extrait du recueil Les Regrets, c'est un ensemble de sonnets écrit lors de son séjour à Rome entre 1553 et 1557. Ce recueil très personnel marque un tournant dans la poésie française de la Renaissance, mêlant humanisme, mélancolie et réalisme. Et juste après notre ami Joachim du Bellay, on aura Amanda Cook avec Catch the Wind, Sierra Hull, Redbird, extrait de son nouvel album qui s'appelle A Tiptoe High Wire, et puis Easy Burns, Broken Compass. Vous écoutez la Croisière Folk, et croyez-moi, vous avez bien raison. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, ou comme c'est celui-là qui conquit la toison, et puis est retourné, plein d'usage et raison, vivre entre ses parents le reste de son âge. Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village fumer la cheminée? Et en quelle saison reverrai-je le clos de ma pauvre maison, qui m'est une province et beaucoup d'avantages? Plus me plaît le séjour qu'ont bâti mes aïeux que des palais romains le front audacieux. Plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine, plus mon Loir gaulois que le Tibre latin, plus mon petit Liré que le mont Palatin, et plus que l'air marin, la douceur angevine. Thank you. glass, catch every drop of rain. Maybe you could try to earn my love again. You might as well try to catch the wind. Son, you might as well try to catch the wind. La magie et l'authenticité du folk féminin grâce à la croisière folk. Oh, go, 'cause home's no place to feel alone. So if I'm gonna go anywhere, gotta let the sunshine leave me there. Gotta stay in our potted room, 'cause home's no place to feel alone. Don't know where I'm going, but I'm going far. Got a broken compass and an old guitar. Bienvenue dans la Minute Astuce, votre cocktail d'ingéniosité pour pimenter votre vie. Dans chaque chronique, on vous livre les secrets malins pour simplifier votre quotidien et rendre chaque journée un peu plus douce. Que ce soit en cuisine, en bricolage, en santé ou même en beauté, la Minute Astuce vous offre les clés pour dompter tous les défis du quotidien. Alors, accrochez-vous pour une minute ou deux et découvrez comment devenir le roi ou la reine de la vie pratique avec nos astuces éclairs. Prêt pour un coup de génie? C'est parti pour une minute ou deux d'astuces qui révolutionneront votre quotidien. Nous voici arrivés à la minute astuce, alors je vais vous dire comment vous endormir sans difficulté. Vous savez que souvent, à cause du stress, des soucis ou même une trop grande fatigue, parfois, cela peut perturber l'endormissement. Alors on se retourne dans le lit, mais rien n'y fait. Impossible de rencontrer Morphée. Alors essayez ce breuvage qui est diablement efficace. Un lait de poule à base de lait chaud, de jaune d'œuf, de cannelle et de fleurs d'oranger. Voilà, vous buvez ça avant d'aller au lit et vous m'en direz des nouvelles. Tout de suite la musique avec Galant tu perds ton temps, la chanson des amants. Galant tu perds ton temps, c'est un quintet féminin de musique traditionnelle québécoise qui est actif depuis 2003. Heather Nova, Staying Alive et Annabelle Santiago avec Amores que pasen. C'est le programme musical pour les prochaines minutes dans cette croisière folk. Je vous rappelle aujourd'hui, programmation 100% féminine, et si vous avez peut-être envie d'aller voir la page Facebook, la page s'appelle La Croisière Folk et lacroisièrefolk@yahoo.com. Eh bien, c'est notre adresse mail. Je ris parce que mon chat vient de monter sur la table et il me regarde avec des yeux pour me dire « Mais pourquoi il parle tout seul, ce mec-là ?» Les plus talentueuses chanteuses et musiciennes folk du monde entier, c'est dans l'émission La Croisière Folk. Jeune fille, garçon, venez écouter, c'est pour entendre une jolie chanson. C'était une jeune demoiselle qui avait bien des amants. Elle avait bien l'amour à la tête, qu'elle voulait pas n'avoir d'autre que le sien. Qu'elle voulait pas n'avoir d'autre que le sien. Elle avait fait mettre au couvent sans lui demander son consentement. À peu près 500 lieues à la ronde, il lui fait faire un long récit. Pour jamais qu'aucun garçon ne la voie, jamais qu'un garçon ne la voie ici. Jamais qu'un garçon ne la voie ici. Le beau galant n'a point retardé, sans plus attendre, il se fait jardinier. Tout droit au couvent, il s'enfuit avec le cœur plein de dessein pour demander à la mère Thérèse pour travailler dans son jardin. Pour travailler dans son jardin. La mère Thérèse fut tout étonnée de voir un si beau jeune homme jardinier. Elle lui dit: mon joli jeune homme, pour travailler dans mon jardin, c'est pour cueillir les prunes et les pommes et tout ce que le jardin contient. Et tout ce que le jardin contient. Le beau jardinier a bien travaillé pendant 6 jours avec beaucoup d'amour. C'était pour voir la jeune fille à tous les soirs et le matin, se promenant avec la mère Thérèse dans les allées de son jardin. Dans les allées de son jardin. Mère Thérèse dit à la jeune fille: regardez donc ce joli travailleur, regardez donc comme il travaille, allez lui demander une fleur. Regardez donc comme il travaille, allez lui demander une fleur. Allez lui demander une fleur. La jeune fille a bien fait un pas, mais elle le lui bien dit tout bas: venez ce soir à ma fenêtre qui est l'autre bord du couvent, vous la trouverez réouverte et nous partirons de bon matin. Et nous partirons de bon matin. Le beau jardinier a bien travaillé pendant 6 jours avec beaucoup d'amour. Réveillez-vous, charmante Léonore, réveillez-vous car il est jour. Sans dire un mot à la mère Thérèse, son écu d'or sort du couvent. Son écu d'or sort du couvent. Jeunes filles et garçons, vous qui aimez la joie, tranchez les montagnes et réjouissez-vous, puisque les filles sont nos maîtresses et les garçons les serviteurs. Oh, c'est donc vous, charmante Léonore, qui a si bien charmé mon cœur. Well, you can tell by the way I use my walk, I'm a man's woman. No time to talk, the music loud, the women warm. I've been kicked around since I've been born, but now it's alright, it's okay. You may look other way. We can try to understand the New York Times effect on man. 'Cause whether you're a brother or whether you're a mother, we're staying alive, staying alive. Feel the city breaking and everybody shaking. We're staying alive, staying alive. Staying alive, staying alive. Staying alive. Well, you know I get low and I get high, and if I can't get either, I still try. Got the wings of heaven on my shoes. I'm a dancing girl, I just can't lose. But now it's alright, it's okay. We'll live to see another day. You can try to understand the New York Times effect on man. It's whether you're a brother or whether you're a mother, we're staying alive, staying alive. Feel the city breaking and everybody shaking. We're staying alive, staying alive. Staying alive, staying alive. Staying alive. Life's going nowhere. Somebody help me. Somebody help me, yeah. Life's going nowhere. Somebody help me, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. You can tell by the way I use my walk. I'm a man's woman. No time to talk. The music loud, the women warm. I've been kicked around since I've been born. But now it's alright, it's okay. You may look the other way. We can try to understand the New York Times effect on man. 'Cause whether you're a brother or whether you're a mother, we're staying alive, staying alive. Feel the city breaking and everybody's shaking. We're staying alive, staying alive. Staying alive, staying alive. Staying alive, staying alive. We're staying alive. We're staying alive. We're staying alive. volvei dal mundia, non stare sperando però bien podría. Amores que pasen volvei dal On critique parfois les réseaux sociaux, mais on y voit parfois des perles. Là, je viens de trouver une petite citation. « Laisse ton sourire changer le monde, mais ne laisse pas le monde changer ton sourire. » Allez, suite de la musique avec Anna Alcaïd et La Mujer de Terra, extraite de son album de 2007 qui s'appelle « Como la luna y el sol »,« Comme la lune et le soleil ». Como a perdida, dolores tenía parir quería, dolores tenía parir quería. Cuando lo pariera en la mellara, melando y escribiendo en la yeshiva. Thank you. suivi. Et nous voilà arrivés à la fin de cette croisière folk pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez fait des découvertes. On se quitte avec Brandi Carlile et The Mother, extrait de son album By the Way I Forgive You, un album de 2018. Alors, Brandi Carlile est une artiste qui peut évoluer dans différents styles musicaux, le folk, la country, le pop rock. Et il n'y a pas longtemps, elle a sorti un album avec Elton John. Merci de votre fidélité, merci de nous avoir écoutés. Je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Que la force soit avec vous et avec tous les autres. Et passez une excellente semaine. Bye bye. I'll be back. Viens travailler avec moi. Ton esprit, allié à ma puissance, on va casser la baraque. Ne jurez pas, je déteste. Assois, j'ai été venu pour tâter le terrain. Faute de mieux. Je vous aime pas, vous. Moi aussi, je vous adore. Welcome to the end of being alone inside your mind. You're tethered to another and you worried all the time. You always knew the melody, but you never heard it rhyme. She's fair and she is quiet, Lord. She doesn't look like me. She made me love the morning. She's a holiday at sea. The New York streets are as busy as they always used to be. But I am the mother of Evangeline. The first things that she took from me were selfishness and sleep. She broke a thousand heirlooms I was never meant to keep. She filled my life with color, canceled plans and trashed my car. But none of that was ever who we are. Outside of my windows are the mountains and the snow. I hold you while you're sleeping and I wish that I could go. All my roadie friends are out accomplishing their dreams. But I am the mother of Evangeline. And they've still got their morning paper and their coffee and their time. And they still enjoy their evenings with the skeptics and the wine. Oh, but all the wonders I have seen, I will see a second time. From inside of the ages through your eyes. You are not an accident where no one thought it through. The world that stood against us made us mean to fight for you. And when we chose your name, we knew that you'd fight the power too. You're nothing short of magical and beautiful to me. Oh, I'll never hit the big time without you. So they can keep their treasure and their ties to the machine. 'Cause I am the mother of Evangeline. They can keep their treasure and their ties to the machine. 'Cause I am the mother of Evangeline. Plongée sans complexe dans l'univers enchanteur des artistes féminines de la scène folk. Ah, je vous aime. From place to place, white lights of the city, and the echo of lingering eyes traveling alone. suitcase of stone. I'd rather be an albatross flying high than in the tailwinds looking back at what I left behind. Remember a name, I can't remember a name. I can't remember your name. On the highway all the day long, my destiny.